Epigram by François Ménard. Read for LibriVox.org on the occasion of Bastille Day 2006 by Mark Smith of Simpsonville, South Carolina. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille. D'autant d'argent que le feu roi en avait mis en la Bastille. Mais les vœux ont perdu leur prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malheur bon cet âge brutal, Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. End of poem. This poem is in the public domain.